Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1, une radio qu'on écoute aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver. Je vous propose ce soir le premier segment d'un entretien que j'ai réalisé il y a quelques semaines avec Pally Meursault, artiste sonore d'origine française, aussi compositeur, enseignant et, je le souligne, alpiniste. Pally Meursault développe depuis le début des années 2000 une recherche sonore et une démarche qui combine des captations hors studio. Tout ça assorti d'une réflexion sur les transformations du monde, de sa faune, de ses paysages, montagnes, glaciers, sentiers alpestres et forêts amazoniennes. Ses créations se présentent sous de multiples formes. Composition pour disques, création radiophonique, installation et performance. Pally Meursault aime dire qu'il est à la fois un héritier de la musique concrète et grand passionné des nouvelles pratiques d'audio-naturalisme. Je me suis entretenu longuement avec Pally Meursault à propos de ses principales réalisations et surtout de l'émergence, à ses yeux, de l'événement sonore au fil de ses fréquentations de la montagne, notamment. Cela dit, parole à Pally Meursault. Hey, Pally Meursault, bienvenue à l'émission. Très heureux de te retrouver ce matin. Merci. Bon, Pally, c'est de tradition chez moi. Ma première question est à peu près toujours la même. Comment se produit chez toi le moment d'éveil au monde sonore? Alors moi, mon intérêt pour le travail sonore, il s'est fait un petit peu par hasard et un petit peu par... Je suis sorti des Beaux-Arts où j'avais un travail de plasticien et je suis sorti des Beaux-Arts à la fin des années 90 un peu en colère contre l'enseignement que j'avais reçu, qui m'a été par ailleurs très utile, mais je voyais pas bien ce que ça signifiait d'être artiste, d'être plasticien dans la vie, dans la société. Et je trouvais que mes profs, mes enseignants, à ce moment-là, n'avaient pas grand-chose à dire sur ce sujet-là, qui me semblait pourtant une question assez centrale, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ça dans la vraie vie, quoi. En dehors de ce milieu privilégié d'une école d'art où il y a des gens qui regardent tout ce qu'on fait, qui sont prêts à recueillir nos interrogations, etc. Et il se trouve que, alors là, c'est toujours un truc qui est compliqué à expliquer à la jeune génération. J'ai été objecteur de conscience, c'est-à-dire je refusais de faire le service militaire qui était encore obligatoire pour les gens de ma génération en France. Et il y avait cette possibilité de travailler dans le monde associatif plutôt que de faire l'armée. C'était un dispositif qui avait été gagné sur le fait de, à une certaine époque, on allait en prison pendant le temps du service militaire, et puis après on avait le droit de travailler dans des associations. Et je me suis retrouvé un peu par hasard, parce que j'ai pris ce qui était disponible, à bosser dans une radio étudiante, une radio campus à Grenoble, et où c'est là que j'ai découvert le travail du son. En le découvrant en plus à l'époque où commençaient à bien fonctionner les logiciels, c'était fin des années 90 avec SoundForge, Cubase, etc. Je pense que si j'avais découvert le travail du son avec la bande magnétique, j'aurais trouvé ça peut-être un peu rébarbatif, un petit peu trop technique. Mais l'informatique, c'était magique. On pouvait d'un seul clic mettre un son à l'envers, le ralentir, l'accélérer. Donc il y avait toute une matière plastique pour le coup qui se révélait là, qui était assez marrante à utiliser. Et en même temps que cette découverte des outils, je découvrais aussi, alors j'avais toujours écouté un petit peu de noise, un petit peu de musique, on va dire, alternative, mais j'ai rencontré dans cette radio des gens, et en particulier Thierry Monnier, qui occupait le poste dans lequel je me suis retrouvé dans cette radio avant moi, qui m'a un peu formé, puis qui m'a fait découvrir plein de choses, parce que lui, il était musicien, il écoutait énormément de... C'était un vrai collectionneur de disques, il écoutait beaucoup de choses. Et puis on s'est retrouvé à faire une émission ensemble sur la musique expérimentale. Donc il y avait de manière très décomplexée tout un territoire là qui s'ouvrait à portée de micro, et donc c'est devenu mes outils quoi. On voit un peu toute la suite de ton cheminement. Écoute Pali, pour se mettre dans l'ambiance, pas vraiment pour illustrer le travail que tu vas mener au cours des 20 dernières années pratiquement, on va écouter un travail que tu as réalisé en 2005. Ça s'intitule Journal sonore, 24 courtes phonographies. Tu racontes que c'est une tentative, peut-être un peu naïve, de sublimation de l'environnement sonore du quotidien. On va écouter ça, un extrait d'une des phonographies, et puis on poursuit la conversation. Pali, je l'ai un peu évoqué, tes projets de création sont nombreux, à la fois sur le plan sonore, sur le plan filmique, installatif, et puis tu fais ça autour d'univers assez ciblé, les ondes radio, les bandes passantes, les environnements industriels tout autant que les environnements naturels, et j'aimerais que tu nous parles un peu de ta trajectoire artistique. Comment définirais-tu ta démarche, je veux dire ça comme ça? Je pense qu'elle était importante, c'est une démarche qui continue d'évoluer et qui a été très liée à ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire cette découverte des outils de la prise de son, du micro en particulier, et d'en faire un petit peu une sonde qui permet d'aller se frotter au réel. Alors au départ, vraiment... parce que j'étais pas instrumentiste, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'expérimentation sonore. Et du coup, pour générer des sons, le micro, c'était très pratique. On pouvait aller cueillir des choses un petit peu partout dans le réel. Et puis, en fait, petit à petit, cette confrontation au réel, elle s'est teintée, elle s'est réorientée en fonction de ce que me faisait cette confrontation, des situations dans lesquelles ça me mettait. Donc, notamment, là, on a entendu cet extrait de ce journal sonore de 2005. Donc ça, c'est vraiment parmi mes tout premiers travaux et qui sont assez typiques de cette espèce d'équilibre un peu précaire entre le field recording, mais le refus d'une démarche trop documentaire, d'être vraiment du côté de l'électroacoustique, de se permettre des transformations, mais pas d'autres, parce qu'elles dénatureraient quelque chose, etc. Donc il y avait toujours une éthique un petit peu particulière dans le rapport au son qui était généré, et puis une relation avec à la fois quelque chose qui était très clairement du côté du quotidien, c'est-à-dire que cette décision de se dire « je vais pas aller chercher des sons exotiques à l'autre bout du monde », mais je vais travailler mon écoute et je vais travailler un petit peu ma recherche pour essayer de trouver des choses intéressantes qui peuvent être dans mon environnement immédiat ou parce que avec un certain goût pour la contradiction, dans des endroits sales, entre guillemets, dans des usines abandonnées, dans des endroits pollués, etc. Hein, ce truc un peu de dark ecology qui m'a plu assez spontanément dès le début. Et du coup... ce journal sonore, il était un petit peu typique de cet exercice de la prise de son au quotidien pour en faire une matière électroacoustique. Et puis pendant ce temps-là, il y a eu toute une série de pièces de mes premiers travaux qui étaient vraiment liées à des usines ou des lieux comme ça. Et puis un peu plus tardivement, ça s'est élargi à des problématiques notamment écologiques qui m'ont fait revenir aussi avec les micros du côté de la montagne, qui est resté un thème et un matériau d'étude très important pour moi encore aujourd'hui. Et en fait, c'est pas tellement une distinction industrie, culture et montagne, nature, mais vraiment industrie et montagne comme des sujets à part entière, quoi. Et des sujets qui sont... Il n'y en a pas un qui est sale et l'autre qui est pur, en fait. Ils sont tous les deux fascinants pour des raisons différentes. Et puis la montagne à laquelle je m'intéresse, c'est une montagne qui souffre du réchauffement climatique, qui s'effondre, qui est peuplée et industrialisée aussi. Donc voilà, c'est un environnement qui n'est pas idéalisé du tout. On va y revenir d'ailleurs, Pali, à la montagne, c'est sûr. Et, mais cela dit, en contrepoint du journal sonore, on va écouter une pièce qui s'intitule « LW » pour « Long Wave », réalisée en 2022, performance solo. Tu racontes que c'est une exploration en partie contrôlée, en partie hasardeuse des ondes radio et des interférences. Alors, je te cite. Alors, on écoute ça et puis on reprend notre échange. Thank you. Pali, bon, tu l'as évoqué, la nature, le territoire, les enjeux climatiques, tout autant que les enjeux sociaux. Bon, ça traverse la plupart de tes projets. D'où te viennent ces préoccupations? Est-ce que tu penses que ce serait un phénomène de génération? J'aimerais t'entendre là-dessus, sur les origines de ton engagement. Engagement, c'est un grand mot, un souci, une préoccupation artistique qui se prolonge dans différents thèmes. Donc effectivement, il y avait cette question, ces industries, ces rapports à la montagne aussi sur d'autres projets, puis le rapport à l'environnement électromagnétique qui est lié aussi à ça, parce qu'en fait, moi je pense que c'est vraiment, encore une fois, le micro et à travers le micro, tout un tas d'influences, soit du côté de la musique électroacoustique, soit du côté de la création radiophonique, etc., ou de la musique expérimentale, qui nous confrontent à des questions et à des objets. Tout à coup, quand on se met à enregistrer ce qu'on a pu appeler un paysage sonore, il ne se passe pas la même chose que quand on est en studio et qu'on enregistre un petit événement et qu'on est dans le rapport à l'objet sonore, comme disait Pierre Schaeffer. Et du coup, ça ouvre à d'autres questions, et notamment des questions d'environnement, des questions d'écologie, des questions de pourquoi je suis à cette place-là pour entendre ça, qu'est-ce que ça dit de ma position à moi, de ma relation à cet environnement-là, etc. Et quand on suit le chemin touristique, on ne va pas entendre la même chose que si on se faufile derrière la barrière, etc. Et c'est vrai que, notamment dans tout ce truc de field recording qui m'animait beaucoup au début, il y avait un petit peu ce truc du son, le son précieux, le son intéressant, il faut aller le chercher, quoi. Et moi, plutôt que de... Alors, à la fois par... peut-être un peu par flemme, un peu par économie et un peu par conscience écologique, sans doute dans cet ordre-là, plutôt que de prendre l'avion pour aller chercher des sons exotiques à l'autre bout du monde, je passais les barrières des zones de chantier ou des endroits qui étaient un petit peu interdits pour aller voir ce qu'il y avait derrière, quoi. Puis après, j'ai commencé à demander la permission d'y aller, et puis j'ai étendu un petit peu mon arsenal technique, et notamment, comme beaucoup de gens qui pratiquaient le field recording, après le micro, on peut découvrir les micros de contact piézoélectriques, etc., les hydrophones pour aller sous l'eau, commencer à fabriquer un petit peu du matériel, puis aussi travailler avec des antennes, avec des bobines à induction qui vont capter des perturbations électromagnétiques très proches, et puis de commencer à s'intéresser au radio art en découvrant d'abord le travail de Tetsuo Kogawa, puis tout un tas de gens qui naviguaient autour de ces préoccupations de radio art, et notamment tous les gens de Pinode avec qui je continue de collaborer aujourd'hui, jusqu'à ce travail qu'on continue sous le nom de Ferra Bandes en duo avec Nicolas Montgermont, où là il s'agit vraiment de confronter le travail de l'improvisation noise à une démarche très claire, très pure, entre guillemets, sur on capte des fréquences, alors en radio AM où il n'y a plus de signaux en fait, et où on va capter que de la radio naturelle et de la perturbation locale. Et on travaille à partir de ça. Et le projet LW, qui n'est pas tellement un nom de projet, mais plutôt j'avais essayé de penser ça comme une nouvelle identité. Donc c'est plutôt de la musique qui est faite sous le nom de LW, mais en fait, y a déjà un petit peu de confusion de ce côté-là, je ne sais pas si je vais le garder. Mais c'est à la fois de réutiliser un petit peu tout ce travail autour du radio art et de ces captations d'interférences électromagnétiques comme matière musicale, mais là, en assumant aussi un goût musical qui vient vraiment plus clairement de l'électronique, et du coup avec un sampleur et en composant vraiment de la musique électronique qui est faite en live sampling avec des interférences en direct, mais qui se permet vraiment le rythme, la musicalité, etc., de manière très, très franche, quoi, on va dire. Bali, dans l'esprit de ce que tu racontes, on va écouter un extrait d'un très beau projet, ça s'appelle « Forêt des ondes ». C'est une installation sonore issue d'un collectage de signaux radiophoniques en VLF. Qu'est-ce que c'est ton VLF? Alors VLF, ça veut dire Very Long Frequencies, c'est les très grandes ondes, donc c'est une partie entre guillemets basse du spectre électromagnétique, où on a des ondes qui font plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres de long. Et en gros, dans le principe du spectre radiophonique, plus long des basses, plus elle est grande, moins on peut encoder de signaux à l'intérieur, donc c'est pas des ondes qui sont très intéressantes en termes d'usage technique. En tout cas, plus aujourd'hui, on va plutôt aller dans le gigahertz, dans le mégahertz, pour trouver des ondes où on peut encoder beaucoup de choses, parce qu'elles s'agitent beaucoup plus vite. Par contre, ces fréquences plus basses, elles ont d'autres mérites. Elles vont voyager plus loin, parfois elles vont traverser le sol ou traverser l'eau, etc. Et il se trouve que dans les ondes VLF, il y a une correspondance inductive entre la vitesse de la lumière avec et la vitesse du son, mais avec des ondes très grandes. Enfin, voilà. Il y a des signaux qui voyagent facilement de l'un à l'autre, donc il y a des effets électromagnétiques qui viennent du soleil, du champ magnétique terrestre, etc., qui par induction s'entendent dans ces fréquences radiophoniques-là et qu'on peut du coup capter assez facilement, et notamment avec du matériel passif. Et ça, c'est assez génial. C'est que juste avec une antenne ou avec une bobine, on va pouvoir capter des choses qui traversent comme ça l'atmosphère et le cosmos. Et c'est assez intéressant. Le projet Forêt des ondes, ça avait été de se mettre à l'écoute de ces phénomènes dits de radio naturelle, donc des choses qui viennent du champ électromagnétique terrestre, qui viennent des vents solaires ou des aurores boréales, etc. En les écoutant, en utilisant une vieille technique de radio de guerre, de la Première Guerre mondiale, qui consiste à se planter les connecteurs dans un arbre pour utiliser la sève de l'arbre comme antenne, en fait. Et du coup, moi, j'avais installé ça comme une installation qui n'a pas été pérenne, mais qui pouvait être pérenne, et où la qualité de l'antenne dépend de l'état de sécheresse de l'arbre et du sol, et donc qui permettait de capter comme ça cette permanence électromagnétique astronomique, quoi, et tout en étant modulé par le contexte écologique immédiat. Donc voilà, et c'était... Je t'arrête, Pali, on écoute un extrait de Forêt des ondes. C'est un extrait du volet Saint-Joseph, fin de nuit, et utilisation d'une antenne VLF, telle que tu nous le décris. Projet vraiment intéressant, l'arbre-antenne, quelle belle métaphore. Alors, on écoute ça. Eh bien, voilà ce qui complète la première demi de l'entretien que m'accordait l'artiste sonore Pali Meursault. On poursuit ça après un bref battement promo. Vous écoutez La Croche-Oreille sur CKRL, le 89.1. CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. On est de retour, c'est La Croche-Oreille jusqu'à 22h sur CKRL. Gaëtan Gosselin au microphone, je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant. Vous trouverez ça très facilement sur la toile. Je vous présente ce soir le premier volet d'un entretien que j'ai réalisé avec l'artiste sonore, compositeur et alpiniste Pali Meursault. Microphone et haut-parleurs sont devenus, dit-il, mes principaux complices au sein d'une recherche qui s'inscrit à la croisée des arts plastiques et de la performance, des musiques électroacoustiques, de l'anthropologie sensorielle et de l'approche documentaire. La montagne, les glaciers et les bois demeurent ses lieux de prédilection. Alors voilà, on écoute la suite de l'entretien qu'il m'accordait en décembre dernier. Bon, Pali, il y a un projet marquant, c'est un projet phare au cours de des dernières années de pratique, un projet de longue durée, ça s'intitule Radio Glace, projet que tu réalises avec Thomas Tilly. Tu parlais de tes collaborations avec Thomas précédemment. C'est un truc qui se prolonge dans cet autre projet intitulé Melt. Melt, qui est en deux volets notamment. J'aimerais que tu nous parles de cette aventure, de cette fréquentation des glaciers. Ouais, alors déjà, ce qui est important, c'est que le projet Radio Glace, donc, qui a été le premier de cette série, c'était à partir de 2019-2020, pour moi, une manière de revenir habiter là où j'ai grandi, c'est-à-dire vers Grenoble et les montagnes qui sont autour. et de renouer un petit peu avec ce territoire-là. J'avais déjà fait des travaux, notamment un disque à la fin des années 2000 qui s'appelait Without the Wolves, où il y avait des enregistrements de glaciers et de montagnes. Donc je savais qu'il y avait des choses intéressantes à prolonger dans l'écoute des glaciers avec des outils un petit peu particuliers. Et puis, il y a aussi le fait que moi, j'aime beaucoup les collaborations. J'aime bien quand les idées circulent et qu'on essaie de déjouer un peu ses propres habitudes par le travail de recherche et de collaboration. Donc, à la fois dans la relation au terrain, mais aussi dans la relation avec d'autres gens avec qui on collabore. Et donc, j'ai des collaborations de longue date comme ça, avec Nicolas Montgermont, avec Naïs Wendler, qui est réalisatrice, avec Thomas, ça date du coup déjà depuis, on se connaissait avant, mais ça date de Radio Glace, et donc je l'ai invité, sachant que Thomas, lui, il est vraiment, il a un terrain de prédilection qui est plutôt la Guyane française et la forêt équatoriale, avec tout un travail de recherche en lien avec des scientifiques qui mènent là-bas depuis très très longtemps. Et on travaille un petit peu de la même manière, on s'entend bien aussi sur le fond, sur les idées. Et du coup, je l'ai invité sur mon terrain, sur les glaciers, parce que je trouve aussi c'est bien dans un rapport à un terrain de justement de confronter l'étrangeté de son regard avec la familiarité d'un autre regard et que ça se combine assez bien. Et donc ce premier projet qui a pas mal changé de forme en cours de route parce que c'était la période Covid et notamment la dimension publique de Radio Glace ne s'est pas passée comme prévu et c'est devenu surtout une plateforme de podcast, on pourrait dire, en ligne où il y a 15 épisodes d'un projet qui a une sorte d'état des lieux des glaciers du massif des Écrins dans les Alpes françaises à l'été 2020. En allant interroger des gens qui les fréquentent, qui travaillent dessus, donc des scientifiques ou des guides de montagne et même des gens qui gèrent des stations de ski, histoire de donner la parole à tout le monde, pour confronter un petit peu la perception de tous ces gens-là au réchauffement climatique et à ce que ça fait à leur environnement. Et puis dès le départ, avec cette idée de confronter l'aspect documentaire, les gens qui parlent, avec vraiment quelque chose de l'ordre de l'écoute, comme Thomas et moi savons le faire, c'est-à-dire d'aller vraiment mettre des capteurs et des micros à des endroits où on n'en met pas d'habitude, de découvrir quelque chose et vraiment d'en proposer une écoute qui soit longue, qui soit exigeante, qui soit puissante, etc. Et que donc les sons qu'on ramène du terrain ne soient pas des illustrations d'un propos, mais qu'au contraire, le propos serve à amener l'écoute dans un endroit vraiment d'écoute profonde, d'électroacoustique et d'exigence, quoi. Et cet équilibre-là, c'est bien, a été très intéressant dans Radio Glace et on a eu effectivement envie de le prolonger avec une première mouture de Melt qui a été vraiment une performance que Thomas et moi on jouait en concert, qu'on a joué pas mal de fois, où on reprenait ses sons de terrain pour en faire une proposition là, qui était vraiment du côté de l'expérimentation sonore, mais qui s'est toujours accompagnée de temps de partage et d'échange avec le public assez conséquent, parce que c'est un objet très singulier qui n'est pas toujours connu, surtout quand on joue en concert loin des montagnes. Et puis, à partir de cette réflexion-là, on a invité des amis, des gens qu'on avait interviewés pour Radio Glace et qui sont devenus des amis entre-temps, glaciologues, à penser à construire un projet ensemble sur une base pour laquelle on y croyait tout en n'ayant aucun exemple d'hybridation entre la conférence scientifique et le concert de musique électroacoustique qui nous satisfaisait, mais en se disant qu'on allait peut-être y arriver. Et donc c'est la deuxième mouture de Melt qu'on joue maintenant, où Lucas Davaz, qui est glaciologue, est avec nous sur scène. Pali, on va écouter un extrait de Radio Glace. Là, on va prendre pied sur le glacier. Donc le plancher des vaches va changer un petit peu. On va être sur de la glace et avec des crevasses. Du coup, on va utiliser la corde et former le principe de base de l'alpinisme, la cordée. On va faire un nœud, on va se mettre chacun un bout de la corde. Visser Et c'est bon, on est prêt à marcher sur le glacier. Donc quand les ponts de neige sont assez gros, assez épais et assez solides, on peut faire ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est commencer à se déplacer dessus. Et ce pont de neige, il continue à l'intérieur d'une crevasse. Je fais comme un plancher intermédiaire. Et on va pouvoir pénétrer à l'intérieur d'une crevasse. Aller voir comment le glacier est structuré, comment il est fait de l'intérieur et pas uniquement de l'extérieur comme on fait d'habitude. Ah, il y a vraiment reneigé, ouais. Oui. Trop classe. Là, on entend l'eau qui goutte parce qu'on est l'après-midi. Il fait même assez chaud aujourd'hui. Il y a toute la glace qui est au-dessus de nous qui fond tout doucement. On va pouvoir s'approcher un peu plus près. Je vais essayer de faire des traces correctes dans la neige. Alors, comme on fait maintenant, en fait, pendant on marche sur le glacier, on garde la distance. Et après, quand on sait qu'on est dans une zone de sécurité, on va approcher un peu avec le corde. L'antre du glacier. The belly of the beast. Alors ici, on voit bien les couches. En fait, chaque ligne, c'est les saisons, quoi. En fait, où c'est un peu sale, ça, c'est la poussière de l'été. Et entre là, c'est l'hiver. Et plus un été va être chaud, plus la ligne de poussière et cette espèce de ligne sombre va être épaisse. Ça voudrait dire que la fonte a été vraiment très très forte pendant l'été. Donc là pour le moment on peut pas encore voir l'été 2019 où il y a eu les deux canicules. Parce que c'est trop haut et là on est ouais, 5 mètres à l'intérieur du glacier. Donc on doit être à moins 20 ans, quelque chose comme ça. On voit pas vraiment le fond, c'est assez noir au fond là-bas. J'ai pas de neige. Potentiellement, ça pourrait descendre à plus d'une vingtaine de mètres. Ouais. Donc un immeuble de 7 étages à peu près. veux bien du mousse, s'il te plaît. Celle-ci, elle descend pas très profond, en tout cas sur le pont inférieur. Peut-être en dessous, il y a une vraie cavité. On verra peut-être à l'automne. Oui. Peut-être pas, si la nage continue. Ça dépendra du glacier. Dans cette veine, Pali, de radioglace et de ce qui s'ensuit sur le terrain, j'aimerais que tu me parles de cette séduction qu'exerce sur toi l'esthétique sonore, je prends ce terme-là, esthétique sonore de la montagne ou encore des glaciers. Parce que bon, il y a cette passion pour évidemment la matière sonore, mais toute cette démarche que tu entreprends pour fréquenter la montagne, pour fréquenter les glaciers et ce qui en émerge sur le plan sonore. Et je voulais t'entendre un peu sur ce qui te séduit dans cet univers. Alors, c'est vrai que le terme de séduction, ce n'est pas un terme que j'utilise d'habitude, mais pourquoi pas. Effectivement, moi, ce qui est particulier avec les environnements de montagne, c'est que c'est des environnements qui me sont très familiers, puisque j'ai grandi pas loin des montagnes, j'avais des parents qui étaient grimpeurs, j'ai toujours fait de la montagne, de l'alpinisme et de l'escalade, donc c'était des environnements qui étaient familiers, mais qui pour moi, pendant très longtemps, sont restés très séparés. Mon activité artistique, elle se menait à la ville, et puis le week-end ou les vacances, je pouvais aller à la montagne, mais il n'y avait pas de lien qui se formulait entre les deux. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment, c'est revenu en disant, bon, bah, si moi, je ne vais pas en Afrique ou en Amazonie chercher des sons, l'endroit un petit peu difficile d'accès, qui n'est pas loin et que je connais, c'est la montagne. Donc, j'ai fini évidemment par emmener des micros là-haut. Je crois que j'ai fini par... Enfin, je me suis mis à écouter en étant à la montagne avant d'y emmener des micros. Notamment quand j'ai travaillé sur Without the Wolf, c'est ça, je l'avais raconté dans un texte qui a été écrit après. C'était après une première expérience dans un endroit de montagne en très haute altitude, donc des endroits où il y a quand même peu de faune et pas énormément de son, mais où des fois il y a des phénomènes un petit peu particuliers. Il peut y avoir des orages avec des acoustiques étonnantes, il peut y avoir des éboulements, des craquements de glaciers, des choses comme ça. Et en ayant passé une nuit en bivouac à 3000 mètres d'altitude, à un endroit au mois d'août où tout était en train de fondre, il faisait très chaud, c'était caniculaire à ce moment-là, et donc il y avait des éboulements en continu qui résonnaient comme ça dans un endroit très particulier. Je suis remonté avec des micros pour essayer de traquer un petit peu ces phénomènes-là, et j'ai commencé à m'y intéresser. Et la deuxième couche par rapport à ça, c'est parce qu'il y a d'une part découvrir comment capter ces phénomènes-là, et là, pour le coup... C'est vrai que moi, ça m'intéressait de prendre un petit peu le contre-pied de la forêt tropicale, qui est un peu, comme son nom l'indique, un trope de l'enregistrement sonore, parce qu'on est dans des endroits qui sont extrêmement riches en signaux, en faune, etc. Et à la montagne, surtout en très haute altitude, ben, on va se retrouver dans des endroits qui sont extrêmement pauvres en signaux sonores, et où du coup, la démarche pour aller les chercher n'est pas du tout la même. Et notamment, bah, on s'aperçoit que les glaciers, finalement, ça a l'air d'être d'une grande masse inerte, mais en fait, il y a énormément de choses qui bougent, il y a énormément de petites choses qui bruissent et qui sonnent à l'intérieur de ça, et qu'il faut se mettre au bon endroit, y passer le temps nécessaire avec les bons outils pour commencer à révéler quelque chose. Et la dernière couche par-dessus tout ça, c'est le fait de fréquenter des terrains parce que crise climatique se transforme extrêmement vite. Et quand on retourne sur un glacier, soit pour les loisirs, soit pour ce type de travaux d'une année sur l'autre, on voit réellement l'environnement se transformer. Et on comprend à quel point, vraiment, la fonte des glaciers, c'est ce qui nous fait comprendre le plus vite la réponse climatique de ce qui est en train de se passer. C'est là où ça se voit le mieux. Et du coup, on est à un endroit où tout ça est particulièrement saillant. Et donc, il y a une dimension écologique et politique qui devient très importante et qui donne envie de prolonger aussi le travail pour des raisons qui ne sont plus seulement sonores. Et ça a été intéressant aussi. Dans ces projets, on s'est aperçu que particulièrement, je pense que c'est toujours vrai, mais là particulièrement, le son ne dit pas tout. Ou il peut dire quelque chose qui ne suffit pas. Effectivement, le son d'un glacier qui fond, c'est pas le son du réchauffement climatique, c'est plus compliqué que ça. Donc il faut contextualiser, d'où le lien avec des scientifiques, d'où des objets qui ne deviennent plus que des disques ou plus que de la musique expérimentale, mais aussi une dimension documentaire ou une dimension de médiation, etc. Eh bien, ainsi s'achève la croche-oreille pour ce soir. C'était la première de deux émissions consacrées à cet entretien que m'accordait l'artiste sonore, compositeur et enseignant Pally Meursault. Grand merci à Pally de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres qu'on retrouve sur son site qui est magnifique à l'adresse pallymeursault.com. On retrouvera aussi les coordonnées sur le site de la croche-oreille. J'en profite également pour remercier tous les collaborateurs et collaboratrices. Et quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1 pour la suite de cet entretien que m'accordait l'artiste sonore d'origine française, Pally Meursault. Voilà, depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou, à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you.